Disons qu'on fait la conférence sur les influences sataniques. Pourquoi faire la conférence sur les influences sataniques? Je ne sais pas réellement. Probablement parce qu'il y a beaucoup de matériel là-dedans. Puis aussi parce que ça nous permet de... Moi, personnellement, j'aime pas tellement employer le terme satanique. C'est un terme qui me fatigue, ça. Comme beaucoup d'autres termes me fatiguent. Mais je l'emploie parce que les gens peuvent identifier quelque chose avec ce terme-là. Alors, les influences sataniques se divisent en sept conventions, si vous voulez. L'influence satanique la plus évidente chez l'homme, la plus près de l'homme, c'est la pensée personnelle, subjective. C'est la première influence satanique sur l'homme. La deuxième influence satanique sur l'homme, c'est la crainte de tout ce qui est intelligent. La troisième influence satanique sur l'homme, c'est l'amour de tout ce qui est sacré. La quatrième influence satanique sur l'âme, ce sont des influences universelles. La quatrième influence satanique sur l'âme, c'est la peur d'être seul. Solitaire. Dans la vie. La cinquième influence satanique sur l'âme, c'est la recherche du pouvoir. Quelque niveau que ce soit. La sixième influence satanique sur l'âme, c'est la maladie. Et la septième influence satanique sur l'âme, c'est l'absence de son pouvoir d'intelligence. Et ceci, la septième, elle découle des six premières. Quand on n'est pas, tant que l'homme n'est pas dans son intelligence, c'est très difficile pour lui de comprendre le phénomène des influences sataniques dans le monde, parce que la compréhension du phénomène satanique dans le monde ne se comprend que par vibration. Il est vibratoire. C'est quand on a une conscience vibratoire qu'on comprend le phénomène de l'influence satanique, parce que la vibration, c'est le seul mode. Le seul mode d'opération de l'énergie de l'intelligence contre les formes qui servent à la propagation et à la diffusion de ces influences dans le monde. Et comme les hommes ne sont pas encore arrivés au stade de la conscience vibratoire parce que la mutation commence, c'est très difficile aux hommes de comprendre le phénomène de l'influence satanique. Si on prend l'homme, si on regarde l'homme individuellement, on s'aperçoit de deux choses. Qu'il y a toujours en lui, un point d'interrogation vis-à-vis quoi que ce soit qui est intelligent. Pourquoi? Parce que ce qui est intelligent n'est pas assujettissable aux conditions, aux six premières conditions que j'ai établies sur le tableau. L'homme n'a pas encore conscience sur la Terre que l'intelligence est un absolu. Ce n'est pas une valeur relative de l'intelligence. C'est un absolu. De l'intelligence, ça ne se discute pas. C'est un absolu. Mais pour que l'homme ait conscience absolument de l'intelligence en lui, il faut qu'il soit libre des six étapes antérieures dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, pour que l'homme ait conscience sur le globe des influences sataniques, il faut qu'il ait une conscience vibratoire qui lui donne accès à un rayonnement de plus en plus infini selon sa conscience. un rayonnement de plus en plus actif et infini vis-à-vis toutes les formes qui existent dans notre société et qui sont le produit de l'influence satanique. Mais employer le terme d'influence satanique pour décrire la condition de l'involution, la condition de notre civilisation, c'est une façon de parler d'un problème qui est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas dans la philosophie ou dans la constatation philosophique ou dans l'observation philosophique ou psychologique de la civilisation que l'homme va commencer à prendre conscience de l'influence satanique. C'est dans le désordre de la civilisation. L'homme ne peut pas prendre conscience philosophiquement des influences sataniques parce que l'homme n'est pas suffisamment conscient pour pouvoir s'arrêter instantanément à la configuration satanique sur une planète, à moins d'avoir une intelligence qui relève d'un autre niveau de sa conscience. Donc, l'homme est obligé de prendre conscience des influences sataniques seulement quand les chocs de la civilisation se manifestent, autrement dit, quand la civilisation commence à se désintégrer. Mais le phénomène de l'influence satanique va devenir extrêmement important pour les hommes qui se conscientiseront. Parce que les hommes qui se conscientiseront vivront ce que j'appelle la séparation de corps et d'esprit. Alors, la séparation de corps et d'esprit étant cette séparation où l'individu se réalisera dans sa tête un peu plus qu'auparavant où il se réalisait dans son corps. Autrement dit, l'individu prendra conscience avec les années qu'il est dans un corps matériel, mais qu'il y a une autre partie de lui qui est immatérielle, mais qui est centre de sa conscience et qui se fait une division entre ces deux parties-là. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme va commencer à prendre conscience de l'importance des influences sataniques dans le monde. Autrement dit, que l'homme va pouvoir percevoir vibratoirement, qu'il y a effectivement un dérèglement général dans les actions, dans le dynamisme social à l'échelle de toute la société humaine, dans tous les pays du monde. Nous le constatons aujourd'hui au niveau de l'économie. Nous pouvons le constater au niveau de la politique. Nous le constaterons plus tard au niveau des vivres matériels, ainsi de suite. Mais un homme qui est dans son intelligence, autrement dit, un homme qui a survécu, à l'influence satanique sur sa personne, ne peut plus dans l'avenir être démolissable. Parce qu'il ne vit plus dans l'avenir des 6 étapes qui sont antérieures à la 7e dont je parlais tout à l'heure. Il est totalement capable de préconiser d'une façon très très vaste un plan d'action, un plan de vie qui coïncide avec les besoins qui lui sont personnels et qui relèvent d'une intelligence absolue. Donc, il est automatiquement libre, il est tout automatiquement à l'abri de ce que peut causer chez l'individu la désintégration d'une fabrique sociale telle que nous connaîtrons dans les années à venir. L'homme ne peut pas vivre dans l'inquiétude du demain. Il doit vivre dans la certitude de son intelligence. Ça, c'est un point de référence que je vous donne. L'homme doit vivre dans la certitude de son intelligence et non dans l'inquiétude de demain. C'est la certitude de l'intelligence de l'homme qui est sa sauvegarde contre l'incertitude de demain. Ce n'est pas la projection matérielle d'un demain qui va lui donner une sécurité quelconque. La certitude de son intelligence. Et la certitude de l'intelligence de l'homme, elle est fondée sur un principe qui est irrévocable dans la mutation, c'est l'abolition des conditions que j'ai citées tout à l'heure au début de la conférence. Est-ce qu'il y en a qui ont pris une note de ça? Oui, parce que je ne me rappelle plus, là. Qu'est-ce que c'était le premier? Alors, la pensée subjective, vous commencez graduellement à le réaliser, que la pensée subjective, elle est un moyen, une façon à des forces qui ne sont pas parfaites de troubler votre énergie. La plupart de vous en sont conscients de ceci. Alors, la pensée subjective, c'est un moyen qui permet à des forces de troubler l'équilibre de l'homme. Et l'équilibre de l'homme, il est fondé sur quoi? Il est fondé sur la neutralité dans le mental, la neutralité dans l'émotion, la neutralité dans l'état vital, pour que l'homme, en tant qu'individu, vive une vie créative, dynamique, stable, sans souffrance. Alors, tout ce qui fait interférence à cet état-là vient de l'astral, fait partie des influences astrales dans le monde. L'autre, c'était quoi? La crainte de l'intelligence. Elle est très subtile, la crainte de l'intelligence. La crainte de l'intelligence peut venir de soi, ou elle peut venir d'autres vers soi. Il y a des gens qui peuvent avoir crainte de mon intelligence. C'est la crainte de l'intelligence. Et s'ils ont peur de mon intelligence parce qu'ils ne sont pas dans leur intelligence, alors le problème est avec eux autres. Ou il y a des gens qui peuvent avoir crainte de leur intelligence, par exemple, qui vont avoir la crainte de perdre leur esprit. Lorsque l'énergie de l'intelligence se fait de plus en plus sentir dans l'homme. Alors, la crainte de l'intelligence, c'est une façon aux influences astrales d'empêcher l'homme de reconstruire à son échelle, sur un plan matériel, des conditions de vie qui conviennent à son équilibre vibratoire sur tous les plans où il existe dans la matière. La troisième, c'est quoi? L'amour du sacré. L'amour du sacré étant cette espèce de fétiche qui existe dans l'humanité depuis des siècles et qui a élevé astralement l'homme à de très hauts pinacles, à de très hauts sommets, mais qui a complètement éteint dans l'homme son intelligence. L'amour du sacré étant cette qualité d'infériorité dans l'intelligence ou de l'intelligence humaine vis-à-vis l'absolu. Autrement dit, au lieu, l'homme ayant été incapable d'absorber dans son expérience d'intelligence l'absolu, a été forcé de s'agenouiller devant l'absolu et d'en faire un dieu. Ça a été le veau d'or de l'évolution, ça a été la condition même qui a donné naissance à toute forme de religion et qui a empêché l'homme de prendre conscience de son énergie supérieure, de son énergie créative et de faire descendre cette énergie sur le plan matériel, donc qui a empêché l'homme d'être totalement autonome et capable de créer une civilisation à la hauteur de son esprit. Alors, l'amour du sacré, dans toutes ses façons, dans son mysticisme, dans sa religiosité, ça a été pour l'homme la dégradation finale de l'intelligence cosmique en lui et la mort de celle-ci. Pour le développement dans le monde d'une cathédrale extrêmement spécialisée dont le but était de forcer l'homme, de forcer la vision de l'homme à regarder vers le ciel pour attendre de ses plans des faveurs, au lieu de forcer l'homme à regarder vers lui-même pour aller lui-même à la conquête de ses propres forces qui sont infinies et qui peuvent lui donner ce dont il a besoin pour vivre sur le plan où il est. Alors, l'amour du sacré, ça a été la finale domination dans le monde des forces sataniques et ça a été le plus grand drame créé par les forces sataniques sous multiples facettes pour multiples interventions, mais servant toujours à formuler dans le monde une base très vaste d'opinion personnelle qu'on appelle la masse humaine, qui a été manipulée par des intelligences encore un peu plus subtiles dans la pyramide sociale, donc maintenant la pyramide sociale sous le contrôle astral des forces sataniques. Par la voie des gouvernements, par la voie des monarchies, par la voie des royaumes de différentes sortes qui ont pris naissance sur le tableau historique de l'homme depuis des siècles. Donc l'amour du sacré, ça a été très dangereux et il existe encore aujourd'hui et il existera encore pour un certain temps. Et il existera même lorsque la fin du cycle sera arrivé sur le plan matériel parce que le contact entre des intelligences venant d'ailleurs et l'homme permettra encore à d'autres hommes dans la masse mondiale de voir ou de croire au sacré et ils prendront ces êtres pour des dieux, ainsi de suite. Alors, l'amour du sacré, c'était très dangereux, mais nécessaire. Mais l'homme aujourd'hui doit en payer le prix. Et quel est le prix que doit payer l'homme lorsqu'il a connu l'amour du sacré? C'est le prix de la solitude. Donc, l'homme a peur de la grande solitude, il a peur de la solitude. Il a peur d'être seul, il a peur de ne pas être capable de de se trouver de comparse humain. Et comme il a peur de ne pas pouvoir se trouver de comparse humain, il est forcé de nier son intelligence au profit de cette crainte, et automatiquement, il se coupe de son absolu, autrement dit, il se coupe de son double éthérique, autrement dit, il se coupe de cette conscience en lui qui est en dehors de la matière, mais qui, dans le fond, régit son activité humaine. Donc, il a de plus en plus de difficultés à créer ce double éthérique. Donc, il perd contact avec la partie réelle de lui-même et il s'assujettit aux conditions d'influence satanique sur la Terre. La crainte d'être seul. Qu'un homme ait un comparse ou qu'un homme soit seul dans la vie, lorsqu'il fait ou lorsqu'il prend conscience de son intelligence, il est forcé à un certain moment de sa vie d'envisager la solitude. L'homme qui va vers la mutation, l'homme qui va vers l'intelligence, l'homme qui va vers l'absolu, l'homme qui va au-delà des conditions qui sous-tendent le satanisme planétaire est obligé à un certain moment de prendre conscience de la solitude en lui. Il doit prendre conscience qu'il est seul, bien qu'il puisse avoir conscience qu'il y a d'autres personnes avec lui dans le monde, qui sont sur une longueur d'onde identique, mais en tant qu'individu, en tant que conscience, il est seul. Et l'homme qui n'est pas prêt à être seul ne peut pas muter. Donc, les hommes qui ne pourront pas vivre la grande solitude ne pourront pas muter parce que, pour muter, il faut que l'homme ait déchiré en lui, ait perdu en lui tout lien affectif avec l'amour. Quand je dis que l'homme doit perdre tout lien affectif avec l'amour, je dis que l'homme doit perdre tout lien affectif avec ce qu'il croit être l'amour. L'amour de l'homme n'étant pas ce que j'appelle de l'amour, étant plutôt un sentiment. Donc, l'homme qui mute doit perdre dans sa vie de mutant, il doit perdre le sentiment de l'amour. C'est une loi cosmique. Si vous me demandez aujourd'hui si vous allez dans telle direction, je peux vous répondre, je peux dire si demain, dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, tu n'as pas perdu le sentiment de l'amour, tu ne peux pas muter. Et d'ailleurs, cette constatation, cette réalisation, sera la clé qui marquera la grande division entre les hommes de la 5e et les hommes de la 6e race. Les hommes de la 6e race ne peuvent pas vivre ou avoir ou se nourrir du sentiment de l'amour. Parce que, dans le sentiment de l'amour, il y a 4 sous-influences sataniques. La première étant la possession. Tout être qui est en amour possède l'autre. Et si vous possédez un être, automatiquement, vous êtes forcé de le supporter. Et si vous supportez un être, vous êtes obligé de lui donner une certaine quantité d'énergie, donc cette énergie-là ne vous sert pas. Donc, automatiquement, vous perdez de la centricité. Si vous perdez de la centricité, vous perdez la connexion cosmique avec les deux. Vous perdez la connexion cosmique avec le double. Votre double. Donc, la constitution, la reformulation de l'être humain sur le globe ne permet pas qu'un être humain soit en amour. Qu'il aime, oui. Qu'il aime, oui. Qu'il aime à partir de la tête, oui. Mais qu'il ait le sentiment d'amour où il existe possession, c'est impossible. Donc, c'est une autre mesure de la mutation chez l'homme. Un autre aspect de l'influence satanique dans l'expérience biologique de l'amour chez l'être humain, c'est que l'amour chez l'être humain, tel que nous le connaissons au cours de l'évolution, est un amour qui est dirigé par l'amour chez l'être humain est dirigé par l'impression. Les hommes et les femmes, ou l'amour en tant que sentiment qui existe chez l'homme, c'est un amour qui est créé par l'impression. C'est-à-dire qu'il y a des impressions quelconques qui font en sorte que le lien du sentiment d'amour existe. Alors, un homme peut aimer une femme parce qu'elle est belle, c'est une impression. Une femme peut aimer un homme parce qu'il est riche, c'est une impression. Une femme peut aimer un homme parce qu'il a une belle personnalité, c'est une impression. Vice-versa. Et un tel amour est totalement satanique dans le sens qu'il est régi par les lois d'impression planétaire. Donc, il n'est pas cosmique, donc il empêche qu'un homme et une femme se rencontrent pour des raisons d'esprit, au lieu de se rencontrer pour des raisons corporelles, biologiques, des raisons d'impression, des raisons de personnalité. Ah. Les hommes se rencontrent, ou les femmes, ou les couples se forment selon les lois d'impression. Et si une loi d'impression n'est pas régie par l'intelligence, elle est régie par l'astral, donc l'amour humain est d'ordre satanique. Et dans cette expérience, l'homme souffre, il y a dissolution dans cet amour au cours des années, et ainsi de suite, il y a souffrance, ça fait partie de l'expérience de l'homme, et ainsi de suite, bababababa. L'amour chez l'être humain, chez l'homme de la Terre, est régi par les lois d'impression. Il n'est pas régi par le double. Ce n'est pas le double qui dit à l'homme, marie cette femme ou marie cet homme, parce que c'est lui ou c'est elle que tu dois marier. Ce sont les impressions qui galvanisent la conscience humaine et qui font en sorte que l'homme va vers cette femme ou que cette femme va vers cet homme, parce qu'il y a des impressions qui plaisent déjà à une personnalité inconsciente. Et troisièmement, une autre des influences sataniques de l'amour vécue par les hommes de la Terre, influence plus subtile que les hommes ne voient pas très facilement, est en fonction de la sexualité dans l'amour. Pour un homme et une femme normale, un homme de la Terre, s'il n'y a pas sexualité dans l'amour, les chances que le couple demeure ou dure pendant des années sont très faibles, à moins qu'il y ait énormément de sentiments et de sens de responsabilité qui tiennent. Mais comme il y a relation entre la sexualité et l'amour, donc la sexualité n'est pas comprise, donc la sexualité est devenue une pierre fondamentale, une question de fond, une situation de fond dans les relations humaines, donc la sexualité a pris énormément d'importance dans la vie de l'homme, donc le canal de l'énergie éthérique qui doit être contrôlé par l'esprit de l'homme, au lieu d'être contrôlé par l'esprit, il est contrôlé par l'astral de l'homme, dont la sexualité est devenue une des forces dont l'emprise sur les hommes de toutes les nations est une des plus grandes qu'ait connue la civilisation humaine. Si un homme ne peut pas aimer sa femme d'une façon aussi réelle, aussi absolue, en dehors de la sexualité que dans la sexualité, ce n'est pas la femme ou l'esprit de la femme ou l'esprit de l'homme qui est en question. C'est la sexualité entre les deux. Et ça, c'est un amour planétaire, c'est un amour que nous connaissons sur la planète, c'est un amour qui est déchu, et c'est un amour qui sera violé et détruit par la conscience de la nouvelle race humaine. Et ce sont les vibrations, les changements vibratoires dans le mutant moderne qui permettra cette réalisation, parce que tous les hommes qui muteront et qui iront vers une conscience supérieure s'apercevront qu'il y aura automatiquement séparation entre la valeur de la sexualité et l'amour, et qu'ils ne verront la sexualité comme le produit vibratoire de l'énergie sur un plan, mais n'affectant pas les conditions de l'amour. Et c'est très, très, très difficile pour l'homme, à un certain stage, de voir qu'il puisse aimer un être, une contrepartie, sans qu'il y ait sexualité, parce qu'il est déjà dans les mémoires de la sexualité, donc il est dans les mémoires du sentiment, et la mémoire du sentiment pour l'homme est la mémoire de sa valeur de vivre. Si l'homme n'a pas de sentiment dans sa vie, il n'a pas de mémoire de valeur de vivre, et la vie devient très, très, très, très vide. C'est pourquoi dans les chansons, on chante et on parle d'amour, et on ne parle que d'amour, parce que l'homme n'est pas capable de vivre seulement d'intelligence. Il doit vivre d'amour. L'intelligence après, mais l'amour avant. La quatrième influence satanique dans cette situation, dans l'amour humain, est liée au fameux triangle. Le père, la mère et l'enfant. Pourquoi le père, la mère et l'enfant? N'oubliez pas que je parle en fonction de l'évolution future, je ne parle pas en fonction de l'évolution. Quand je vous parle de l'avenir, je ne traduis jamais en tribunal le passé. Le passé, je le comprends, j'en connais les conditions, je sais pourquoi, mais je dois éclairer l'avenir pour que nous comprenions aujourd'hui le présent qui découle de notre ancienneté. Donc, le père, la mère et l'enfant forment un triangle. Et l'influence satanique dans le monde à travers la famille se fait à travers les enfants. Parce que les enfants créent chez les parents des sentiments. Les sentiments empêchent les enfants, les parents d'avoir accès à leur intelligence. Donc, les enfants, à leur insu, sont utilisés par la voie de la mémoire des sentiments, des responsabilités sociales, pour empêcher que le père et la mère aient accès à leur éther. Autrement dit, verront les hommes que leurs enfants retarderont leur évolution. Et aussi, verront les hommes, ceux qui auront la force de comprendre leur intelligence, que les enfants ne peuvent pas retarder leur évolution et que les enfants doivent être sur leur longueur d'onde ou être rejetés de leur esprit. Les lois de la mutation de l'humanité sont absolues et ce sont des lois que moi, en tant qu'individu, je vous explique, mais ce sont des lois que vous, en tant qu'individu, vous connaîtrez par vous-même. Ce n'est pas une philosophie et ce n'est pas une religion qui s'exprime à travers ma parole. Je vous dis comment se fera la mutation sur la Terre, et ces lois sont absolues, et les hommes vivront ces lois, connaîtront ces lois, et seront obligés d'en connaître et d'en réaliser toutes les dimensions. Si c'était philosophie, si c'était religion, ce serait horrible, parce que ce sont des lois qui ne se comprennent et qui ne peuvent être appliquées que sur un plan vibratoire, lorsque nous avons la maturité de l'intelligence et le discernement, et ainsi de suite. Mais comme ce sont des lois qui sont le produit de la relation entre l'énergie et l'homme et la constatation chez l'homme de son intelligence de plus en plus développée, il est évident que ces lois sont ce qu'elles sont et que ces lois seront vécues et qu'elles serviront à séparer les hommes de la cinquième et de la sixième race. Donc, l'amour humain, dans l'amour humain, il y a effectivement un autre, point d'affectation des forces sataniques. Le phénomène des forces sataniques, c'est un phénomène extrêmement subtil. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un domaine que je n'aime pas tellement parler, surtout en employant le terme qui le caractérise, parce que je sais très bien que l'homme utilise les formes ou se sert des formes pour essayer de comprendre quelque chose, lorsqu'en fait, l'homme ne peut rien comprendre par les formes. L'homme comprend simplement par l'énergie de son intelligence. Mais comme je dois expliquer la relation entre l'homme et ses forces, je suis obligé d'employer la forme pour en faire les contours, pour que l'homme puisse un jour voir, lorsque son expérience est arrivée à fruition, qu'il est obligé, qu'il n'a pas de choix, qu'il est obligé de prendre une décision en fonction de ces lois qui lui auront été expliquées. Le domaine du satanisme sur notre planète, c'est un domaine qui est très vaste parce que c'est un domaine qui n'est pas réductible à l'intelligence. Donc, il est très vaste et l'homme ne peut pas le voir. Il ne peut pas le voir parce que l'homme n'est pas encore suffisamment vibrant dans son intelligence pour le constater instantanément. Et comme il ne peut pas le constater instantanément, il est obligé de jouer le jeu de l'évolution jusqu'au jour où la souffrance qui provient du contact entre l'éther et ses principes inférieurs est trop intense et où il réalise qu'il est obligé de changer complètement l'orientation de sa vie. Et c'est ce que certains hommes dans le monde connaîtront au cours des années qui viennent. L'homme sera obligé à un certain moment de constater dans sa vie qu'il y a une orientation, que cette orientation elle est en fonction de son intelligence, et que cette intelligence, elle est contiguë avec d'autres intelligences, et que toute cette intelligence qui est mondiale, qui est universelle, travaille à structurer des conditions futures pour l'humanité, qui doit prendre conscience d'un autre état de vie. C'est la seule façon qui permettra à l'homme d'être soulagé du satanisme mondial. Qu'est-ce que c'est le satanisme? Le satanisme, c'est la séparation qui existe entre le double éthérique de l'homme et son intelligence. C'est comme si l'homme était ici, qu'il y avait en lui un double, et que ce double n'était pas capable de lier ou de se lier avec la conscience mentale et la conscience émotive de l'être biologique. Le double étant dans mon langage, l'intelligence de l'homme. Alors, cette intelligence ne peut pas passer à travers le mental et l'émotionnel humain, donc l'homme est totalement partiel. Et étant partiel, il a une subjectivité qui le coupe de son intelligence, et c'est à ce moment-là que toutes les influences qui viennent du monde sont sujettes ou susceptibles de le couper davantage du double. Et l'homme, un jour, doit faire la connexion avec le double. Parce que le double, c'est cinq choses. Le double, c'est l'immortalité de l'homme. Le double, c'est l'énergie pure dans l'homme. Le double, c'est le pouvoir de volonté dans l'homme. Le double, c'est le filtre qui absorbe une autre énergie qu'on appelle de l'intelligence pour l'homme. Et le double, c'est l'âme. Si nous regardons la différence entre ce que nous appelons de l'intelligence et de la volonté, quelle est la différence entre de l'intelligence et de la volonté? Il y a une énorme différence entre les deux. La volonté vient du double. L'intelligence vient d'ailleurs. Alors, la volonté, elle vient du double. Alors, qu'est-ce que c'est la volonté du double? C'est la capacité à ce dernier de briser le mur entre lui et l'homme. C'est ça de la volonté. Alors, le mur entre le double et l'homme, il est fait de quoi? Il est fait de mentation subjective, il est fait d'émotions subjectives. Alors, si vous me demandez qu'est-ce que c'est de la volonté, je vous dirai que la volonté, c'est la percée qu'essaie de faire le double vers l'homme, mais dont il est empêché au niveau de la mentation et de l'émotivité. Ça, c'est la volonté de l'homme. L'intelligence, c'est la connexion entre le double et d'autres intelligences qui sont trop loin pour l'homme, mais filtrées par le double à travers du plan mental de l'homme, lorsque ces deux plans ont été assujettis par le double. Autrement dit, là où il y a eu développement de volonté chez l'homme, à cause de la superimposition du double sur l'être humain. Alors, cassez-vous pas la tête pour savoir qu'est-ce que c'est de la volonté. La volonté, c'est la capitulation devant le double de tout ce qui est biologiquement au détriment de l'homme. Et quand je dis tout ce qui est biologiquement au détriment de l'homme, je dis que tout ce qui, au niveau du mental, de l'émotionnel et du vital, empêche l'homme d'être dans l'énergie du double. Alors, lorsque vous avez dans la vie des décisions à prendre et que vous ne prenez pas ces décisions, pour quelque raison que ce soit, c'est cette partie de vous qui empêche cette partie-là de se lier. Cette partie de vous étant votre mémoire, étant votre mentation et votre émotivité. Et c'est ceci qui empêche que vous ayez de la volonté. Jusqu'à ce que les forces entre le double et vous soient tellement grandes que vous soyez obligé de vivre la superimposition parce que vous n'avez plus d'autre choix. Ce que vous appelez, vous, dans la vie, être poussé au mur. Alors, si je fais la connexion entre ce que je dis et ce que j'ai expliqué dans une conférence au niveau de la survie, quelle est la fonction de la survie pour un homme qui se conscientise? La fonction de la survie est justement de forcer le double à se superimposer sur cette partie-là. Donc, la survie, elle est importante pour ceci, et elle est éliminée au fur et à mesure que ce travail se fait, autrement dit, que la mutation dans le mental et l'émotionnel se fait. Donc, elle est très importante, la survie. Parce qu'elle est souffrance, la survie. Parce qu'elle est anti-homme, la survie. Parce qu'elle fait partie des forces sataniques sur la Terre, la survie. Qu'est-ce que ça veut dire, les forces sataniques? Les forces sataniques, ça veut dire toute expérience. L'expérience est satanique. Donc, ça vous donne une idée combien les forces sataniques sont puissantes sur la Terre. Toute expérience est satanique. toute expérience est satanique. Alors, le satanisme, il existe dans l'homme, dans le plus profond de sa conscience biologique, dans le plus profond de sa conscience mentale, dans le plus profond de sa conscience astrale et dans le plus profond de sa conscience vitale. Autrement dit, l'homme est satanique tant qu'il n'est pas lumière. Tant que le double ne s'est pas totalement superimposé sur son biologisme, contrôlé par des principes de mentation, d'astralité et de vitalité. Si toute expérience est satanique, et je parle pour l'homme qui se conscientise, je parle pour l'homme qui a des idées, toute idée est satanique. Aussitôt que vous avez une idée, elle est satanique. Pourquoi? Parce que dans toute idée, il y a un certain nombre de conjugaisons. Toute idée est conjuguée. La conjugaison fondamentale de l'idée est toujours celle-ci. L'émotion plus l'intelligence. La deuxième conjugaison de l'idée, c'est l'émotion sans intelligence. La troisième conjugaison de l'idée, c'est l'émotion avec l'idée d'amélioration. Ce que vous appelez dans des termes plus près du commerce, profit. Toute amélioration, toute recherche chez l'homme de vouloir s'améliorer est satanique. Parce que ça convient à l'idée du profit. Donc, ça amène l'homme à utiliser son intelligence pour lui-même, autrement dit, pour cette partie de lui qui est satanique. C'est un cercle. Donc, ça amène l'homme à la cinquième position qui est finalisante dans son expérience d'évolution. L'homme cherche à changer son monde au lieu de le créer. C'est ce que nous retrouvons dans le commerce, dans l'industrie. Le monde change. Et l'homme, un jour, doit créer. Alors, si toute idée est satanique, je vous en parle aujourd'hui de cette façon, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus près de comprendre comment je parle, et vous êtes moins sujet à interpréter ce que je dis. Comme toute idée est satanique, remarquez bien ce que je vous dis, il vous viendra des idées au cours des années qui viennent, surtout quand je parle de la micro-société. Et si vous avez des idées concernant la micro-société, vous saurez qu'elles sont sataniques. L'homme ne peut pas créer la micro-société. Elle se crée seule, la micro-société. Et les conditions de la micro-société sont des conditions occultes qui ne sont pas connues du monde astral. Autrement dit, les forces sataniques ne pourront jamais empêcher la micro-société. Parce que la micro-société n'est pas connue dans les archives de la mémoire de l'humanité. Personne ne connaît la micro-société. Certains peuvent la canaliser, mais personne ne la connaît, même pas moi. Donc, l'homme ne connaît pas la micro-société. La micro-société fait partie de l'image que veut donner à l'homme l'intelligence cosmique qui descend sur la Terre. Alors, ce n'est pas à personne d'entre nous sur la Terre d'avoir des idées concernant la micro-société. Je vous fais le point et je ne le ferai plus de point. Alors, c'est inutile de venir me donner des idées. Comme l'idée chez l'homme est satanique et que l'homme ne peut pas la réaliser comme étant satanique parce que l'homme est déjà satanisé, donc l'idée chez l'homme a une valeur. Elle a une valeur positive. Et effectivement, elle a une valeur positive. Mais le point n'est pas que l'idée chez l'homme ait une valeur positive ou négative. Il faut que l'idée chez l'homme cesse d'être. Lorsque l'idée chez l'homme cessera d'être, il n'y aura chez l'homme que de l'intelligence de ce qu'il doit faire. Et l'intelligence de ce qu'il doit faire se créera au fur et à mesure qu'il sera prêt à faire. Donc, l'image sera construite sur la Terre et l'idée ne sera plus pour projeter chez l'homme une mentation ou une émotivité quelconque. Pourquoi le problème de survie chez l'homme? parce que l'homme cherche toujours une idée. Et comme il cherche une idée, qu'il cherche à s'améliorer ou à améliorer son sort, ce qui est une bonne condition.